Pensées non fonctionnelles ou dysfonctionnelles. Laissez passer ces pensées non fonctionnelles ou dysfonctionnelles. Et comme elles sont venues, elles repartiront. Vous les associez à un nuage noir qui ne ferait que passer dans un ciel bleu. Donc, vos travail et en relation amicale qui n'est vue, s'il existe donc des pensées dysfonctionnelles, vous ne pas les enlever. D'avancer pas à pas tranquillement, les choses se feront tranquillement et à bien se faire nettoyer. Vous n'avez rien à perdre, tout est mieux. S'il existe donc des pensées non fonctionnelles, voire dysfonctionnelles, vous laissez passer ces pensées non fonctionnelles, voire dysfonctionnelles, et comme elles sont venues, elles repartiront, vous les associez. Un nuage noir qui ne ferait que passer dans un ciel bleu, donc détente et physique, comme psychique, comportemental, comme cognitif, plus que la position de surmaîtrise, position au contraire de démaîtrise, de relâchement. Tant sur le plan physique que psychique, pour mieux se référer à la situation en présence. Calme, libre, chaud, car calme, respiration calme, dessus, chaud, profond. S'il existe donc des pensées non fonctionnelles ou dysfonctionnelles, peur de perdre le contrôle, peur de ne pas être bien. Laissez passer ces pensées non fonctionnelles dans le sens de même. Et comme elles sont venues, elles repartiront. Vous les associez à un nuage noir qui ne ferait que passer. Dans ce film, on détend tout ici, comme si comportemental, comme une plus sur la position sur les pieds, position au contraire, des maîtrises de relâchement, tant sur le plan physique. Mieux se référer à la situation en présence. Calme, chaud, cœur calme, respiration calme, esprit chaud. On fait s'il existe donc des pensées non fonctionnelles. Peur de perdre contre la maîtrise, peur de ne pas être bien. Laissez passer ces pensées non fonctionnelles pour nous. Et comme elles sont venues, elles repartiront pour les associer à un nuage noir. Ne faudrait que passer. Dans un ciel bleu, dans des temps physiques, comme psychique, comportemental, comme politique, plus que la position de surmaîtrise, position au contraire, de démaîtrise, de relâchement, tant sur le plan physique. Pour mieux se réfugier à la situation calme, chaud, car calme, respiration calme, plexus